إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc bienvenue à tous pour cette mini daura dans la ville de Fréjus, qui va donc se passer entre les trois frères, le frère Abbas, le frère Hassan, Abou Asma et moi-même Ammar. Donc nous allons traiter sur les sujets du tawhid, de l'unicité, donc dans la ville de Fréjus. Donc nous prévenons aussi ceux qui nous écoutent à l'extérieur, ceux qui sont à l'extérieur et qui nous écoutent sur Paltalk, pour dire que donc toute cette série de cours seront diffusés dans le salon Invitation à la voix des pieux prédécesseurs. Donc on va donner l'emploi du temps, et l'emploi du temps sera donc ce cours-ci qui va commencer d'ici peu, ainsi que le cours qui sera donné par le frère Abbas après la prière du Maghrib, aussi donc demain on continuera, demain il y aura 5 cours. Le premier sera à 10h30 du matin. Le second à 14h30, c'est-à-dire après 15h30. Le second, c'est à 15h30. Le troisième, après la Asar. Et le quatrième, après le Maghrib. Donc, ça sera 4 ici. Donc, ce ne sera pas 5, mais 4. Et la même chose pour le dimanche. Taïeb. Donc, je vais commencer avec معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. La croyance des gens de la Sunna et du consensus sur les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, donc on va bien sûr se rappeler que l'unicité, c'est bien sûr donc le sujet le plus important. Et parmi les sujets les plus importants, c'est justement Tawhid al-Asma wa Sifat, l'unicité des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car on va parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait tout simplement de parler et de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala est déjà bien sûr suffisant pour montrer l'importance de cette science, Cette science qui est la base de toutes les sciences. Et c'est aussi à partir d'elle que découle les autres sciences. Et c'est aussi pour elles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé cette création, a envoyé les prophètes, a descendu les livres. Et cette religion a été bâtie à partir de cette science. Elle a été bâtie à partir de cette science. Donc, la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la base de tout bien. Et à partir d'elle, revient tout ce qui sera bon pour toi dans cette religion. Aussi, l'unicité des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la science la plus noble. C'est la science la plus noble et la plus importante, sans équivoque. Il n'y a rien qui sera plus important que de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Car une science est noble du fait que l'on parle de ce qui est dans ces sciences, c'est-à-dire ce que va comprendre et comporter dans cette science est noble. C'est-à-dire le fait de parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses noms et ses attributs, ainsi que ses actes, Aussi, Tawhid al-Asma wa Sifat, c'est l'origine de toutes les sciences, religieuses. Si on venait à parler du fiqh, on va dire que c'est une science importante. Si on venait à parler du hadith, on va dire que c'est une science importante. Si on venait à parler du tafsir, ou de la sira, ou de quoi que ce soit dans la religion, bien sûr, tout sera important. Mais dans ces importances, on trouvera quelque chose qui va prédominer, quelque chose qui va prédominer vis-à-vis de ces sciences, c'est bien sûr la science des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de le connaître. Nous demande de le connaître à travers ses noms, à travers ses attributs, et nous interdit, et bien sûr, et donc il va nous réprimander si on va l'oublier. C'est pour ça qu'il dit, subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسَوُا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, et ils se sont oubliés eux-mêmes. Ils sont devenus des ignorants. Ils sont devenus des ignorants. Et nous savons quel est le chemin des ignorants, quel est la demeure de ceux qui sont ignorants. Car bien sûr, les ignorants ne sont pas vantés, ils ne sont pas loués par Allah subhanahu wa ta'ala, mais plutôt le contraire. Aussi, la science des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala est bien sûr une base qui est solide. Et c'est un point qui reste important chez les pieux prédécesseurs, chez Salaf Saleh, chez les pieux prédécesseurs. Donc le fait de connaître les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de la science des pieux prédécesseurs, c'est qu'on va connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est important. Et après cela va découler aussi un point qui sera important, c'est qu'on va mettre en œuvre, on va mettre en pratique ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne et nous exhorte. Donc à partir du moment où tu auras connu Allah subhanahu wa ta'ala et tu auras mis en application ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé, donc tu auras bien sûr œuvré comme les gens, les plus prédécesseurs, les gens de la sunna et du consensus ont œuvré auparavant, ceux qui étaient avant toi. Donc voici comment il faut être. Il faut connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il ne faut pas être comme ceux qui se sont égarés de la voie, comme les gens du soufisme qui ne connaissent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont œuvrer, même si c'est énormément pour certains d'entre eux, sans connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et des gens vont peut-être apprendre ce qui leur intéresse de la science des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils ne vont pas mettre en pratique comme il le faut. Donc on va retrouver des gens qui vont avoir de la science sans acte. On va retrouver aussi dans cette communauté des gens qui vont œuvrer mais qui n'auront pas de science. Et ces deux points-là, le fait d'œuvrer sans science ou le fait de connaître sans œuvrer, c'est justement les deux points de l'égarement. Ce sont les deux points à partir desquels les gens s'égarent. À partir desquels les gens s'égarent. Et contrairement aux gens de la sunna et du consensus, c'est que eux connaissent puis mettent en pratique. Ils connaissent, ils vont mettre en œuvre, ils vont mettre en pratique ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont connu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la sunna authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous avons vu quelques points, c'est-à-dire vis-à-vis de l'importance des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tawhid al-asma wa sifat, donc l'unicité des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms les plus parfaits et dans ses attributs les plus hauts, celles qui sont citées, mentionnées dans le Coran et dans la Sunna. Et on doit aussi avoir la foi, la croyance en ses sens et en ses statuts, en ce que va découler de ce sens. Lorsque tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux, tu sais bien que lorsque tu auras commis un péché, tu vas demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, il va te pardonner. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur et miséricordieux. Donc tu sais que tu peux œuvrer en ce sens. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a le châtiment douloureux, tu le sais aussi que cela va donc faire naître en toi une peur, une crainte. Et cette crainte va justement t'interdire de commettre des péchés, de commettre des péchés, que ce soit des grands ou que ce soit des petits péchés. Donc l'asma al-husna, c'est bien sûr donc les noms les plus complets. Al-husna, c'est le féminin de Hassan, Ahsan. Donc c'est un superlatif. Lorsqu'on dit al-husna, c'est les plus Donc les meilleurs, les plus beaux, c'est un superlatif. Et c'est le superlatif, c'est le féminin de Ahsan. Donc, le fait de... Donc, Tawhid, c'est l'unicité, le fait d'unifier. Le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le monothéisme. C'est le pur monothéisme. Et qui vient du verbe wahada. Yuwahidu. Parce qu'on dit wahada yuwahidu, tawhidan. Voilà comment on dit. C'est-à-dire le fait de rendre, de faire de quelque chose une seule chose. De faire de quelque chose, quoi que ce soit, une seule chose. Lorsqu'on dit donc tawhid al-asma wa sifat, c'est justement donc le fait de parler des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit les noms par rapport à ce qu'on appelle l'ism. Donc dans la langue arabe, c'est lorsqu'on parle de l'ism, donc c'est par rapport à son ma'na, aussi par rapport à son ta'yin ou temyiz. Donc c'est-à-dire le ma'na que pourrait avoir le nom, le sens que pourrait avoir le nom, et aussi le nom en lui-même, et aussi comment on pourrait le comparer par rapport à d'autres choses. Et bien sûr, l'ism, c'est ce qui va prouver le nom, c'est ce qui va prouver al-zat, c'est ce qui va prouver l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout corps a une essence. Donc lorsqu'on parle d'un gratte-ciel, on parle à ce moment-là d'un grand immeuble, on sait qu'il est haut, il a énormément d'étages, il a akhili. Lorsqu'on parle d'une voiture, on peut la désigner, c'est-à-dire par telle ou telle forme. Et Allah subhanahu wa ta'ala, aussi, on ne va pas le désigner par nous-mêmes, mais ses noms et ses attributs prouvent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a une essence. Car toute chose a une essence. Lorsqu'on dit, par exemple, donc parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est مثلا Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Aziz, Al-Qadir, Al-Sami', Al-Basir, Al-Bari, il a akhir al-kalam. Donc on peut retrouver d'autres noms, bien sûr. Donc ça, ce sont des noms. Lorsqu'on dit Ar-Rahman, le miséricordieux, c'est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on dit Rahman, si on veut rechercher la sifat, si on veut retrouver la sifat, l'attribut de ce nom, donc on va dire Rahma, la miséricorde. L'attribut de ce nom, c'est la miséricorde. Il a khiri. Aussi, Al-Husna, bien sûr, donc c'est un wasf, c'est une caractéristique des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah possède des noms. Mais cela ne s'arrête pas seulement là. Ça va jusqu'au fait qu'Allah a les noms les plus parfaits, les plus complets. Donc ce sont bien sûr des caractéristiques qui sient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et elles sont bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans 4 endroits différents du Coran lorsqu'il cite les noms les plus parfaits. Lorsqu'Allah dit dans Surat Al-A'raf, verset 180, وَلِلَّهِ الْأَسْمَى الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. Certes, à Allah appartient les plus bons noms. Donc invoquez-le avec. Invoquez-le avec. Donc c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'invoquer, de demander à Allah par ses noms et ses attributs. C'est une forme de wasila. C'est une forme d'intercession. De demander à Allah par ses noms et ses attributs. Parce qu'il n'y a pas mieux que ça. Il n'y a pas mieux que ça, le fait de demander à Allah par ses noms et par ses attributs. On peut demander à Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms et ses attributs. On peut demander à Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'on l'invoque par les actes, le fait qu'on a commis des actes qui sont bien sûr pieux, qui sont pieux, et aussi par le fait de demander à une personne pieuse qui est vivante et qui a la capacité de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, dont on a la certitude bi'idhnillah qu'Allah subhanahu wa ta'ala va agréer de lui, on peut le demander à une personne comme les gens l'ont fait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et avec l'Abbas lorsqu'ils ont demandé bien sûr la demande de la pluie. Donc ça c'est une méthode, c'est une façon de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi il dit subhanahu wa ta'ala dans surat al-Isra verset 110, qul idullaha aw idurrahman. Après il dit ayyama tad'u falahu al-asma' al-husna. Dit invoquez Allah ou invoquez le miséricordieux. C'est-à-dire ce que vous invoquerez, il a bien sûr à lui les noms les plus parfaits. C'est-à-dire que tu peux demander par le fait de dire Ya Allah ou bien Ya Rahman Ya Khalihi. Donc tu peux utiliser les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit tel ou tel nom. Et bien sûr, de préférence que l'attribut ou ce nom-là aura rapport avec ce que tu vas demander, aura rapport avec ce que tu vas demander. Et aussi, il dit subhanahu wa ta'ala Allahu la ilaha illa huwa lahu al-asma al-husna. Allah, nulle divinité autre que lui, il a les noms les plus parfaits. dans Surat Taha, verset 8. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, dans Surat Al-Hashr, verset 24, وَاللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ لَمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَى الْحُسْنَى. C'est lui, Allah, le créateur, celui qui façonne, celui qui dessine. Il a les noms les plus parfaits. Il a les noms les plus parfaits. Donc le husna, comme on l'a dit auparavant, si on le prend dans, c'est-à-dire dans la grammaire, il vient à la wazni fu'la. Il vient à la wazni fu'la. Et donc c'est le féminin de af'al, af'al tafdil, c'est-à-dire les superlatifs, c'est-à-dire les superlatifs. Donc le husna, c'est le féminin de ahsan, qui est le meilleur. Et son sens, que veut dire al-husna? Quel est son ma'na? Donc son sens, donc c'est le fait qu'il soit bien sûr meilleur. C'est-à-dire que c'est mieux que hasan. Donc hasan, c'est quelque chose qui est bien, quelque chose qui est bon. Et là, c'est ahsan, donc qui est meilleur. On rentre, c'est bien sûr le superlatif. Donc c'est al-balira. C'est le fait donc, bien sûr, d'exagérer dans, ou bien le fait d'augmenter justement ce qui est bon. C'est-à-dire qu'il est bon de la façon la plus parfaite, de la façon la plus complète. Et lorsque on lit Walillahil Asma al Husna, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala a les noms les plus parfaits, les plus complets, les plus illustres. Les plus illustres, et bien sûr, ils sont, donc, on peut les citer ou les mentionner que avec les meilleurs sens et avec les plus nobles, les sens les plus nobles. Et on profite de cela. C'est que quel est le profit justement de Tawhid al-Asma wa Sifat? C'est qu'il est obligatoire, lorsqu'on entend qu'Allah a les noms les plus parfaits et les plus complets. Est-ce que là vous avez du son? Dites-moi. Parce que là je vois 1, 2, 1, 2, 2. Hassan reste à côté comme ça quand tu vois 2. Toi tu pourras vérifier, Inch'Allah. Il y a du son? Parce que des fois ça coupe apparemment. Apparemment, ça coupe. Tu vois, c'est parce que je veux vérifier. Il n'y a plus de son. Ça, c'est revenu le son, alhamdulillah. C'est revenu, Taïb, barakallahu fik. C'est pour ça qu'il faut vérifier, toi. Zakallahu Hassan. Donc, on profite de cela. On profite de cela. C'est qu'il est obligatoire, lorsqu'on voit cet attribut, c'est-à-dire le fait que, c'est-à-dire par rapport à ce superlatif, que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous a bien sûr expliqué cela. Allah, c'est lui qui nous a mentionné. C'est lui qui s'annonce pour lui-même qu'il a les noms les plus parfaits. Donc il faut avoir une foi ferme, convaincue, comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala a les plus bons noms, possède les plus bons noms, les plus complets, et qu'ils sont complets de toutes bords, c'est-à-dire de toutes parts, Et que tout ce qui va découler de cela ne sera bien sûr que bien. Et lorsqu'on voit Sifat al-Ula, donc on l'a vu par rapport aux noms les plus parfaits et les attributs les plus complets, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala est différent de tout le monde. Allah subhanahu wa ta'ala donc est différent. Zatuhu, son essence, est totalement différent justement que de l'essence de toute personne, de toute personne. Laysa kamithlihi shay' wa huwa as-sami'ul basir. Laysa kamithlihi shay'. Rien n'est comme lui, ni dans ses noms, ni dans ses attributs, ni dans ses actes, dans rien du tout. Rien n'est bien sûr comme Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on comprend que lorsqu'on parle de sifat, donc on parle de dhat. Si on parle des attributs, c'est-à-dire qu'on parle de l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les sifat d'Allah subhanahu wa ta'ala sont bien sûr différentes. Et parmi les sifat d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est مثلا اليدان, les deux mains, الوجه, là donc le visage, العينان, les yeux, الأصابع, les doigts. Donc ça c'est par rapport à ذاته, par rapport à l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on parle de sifat ma'nawiya, où c'est un sens, en ce moment-là on va parler du ilm, de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-qudra, la puissance ou la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-hayat, la vie, Allah subhanahu wa ta'ala est vivant. Al-irada, la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de là, on voit justement donc, peut-être le refaire. On va aller là. On va refaire. Non, c'est ça, c'est tout, ça suffit. Donc, c'est pour ça que l'Asha'ira, ceux qui sont, c'est-à-dire les plus nombreux, la Aqida qui est la plus nombreuse, c'est-à-dire dans le monde musulman, c'est la Aqida Asha'ira. L'Asha'ira, c'est-à-dire que ces gens-là se sont arrêtés au Sifat al-Aqliya. Donc, ils ont pris Sifat al-Ma'anawiya, par exemple. Donc, l'ilm, l'Qudra, l'Hayat, l'Irada. Ils ont pris aussi d'autres choses, d'autres Sifat. Ils acceptent ces attributs, mais ils renient les autres attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de ne pas le faire ressembler à lui-même. Et bien sûr, cela est une erreur. Cela, bien sûr, est une erreur. Il y a aussi, parmi les sifats d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'on appelle al-sifa, al-fi'liya, donc al-nuzul, al-istiwa, al-khalq, al-risq. Hein? Donc le nuzul, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend au premier ciel. Comment? Allahu a'lam. Lakin il descend au premier ciel. Et nous, on croit. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit d'une angle claire. Il n'y a pas d'interprétation possible. Si l'interprétation était permise, ça serait le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous aurait désigné, qui nous aurait montré et mentionné cette interprétation. Ainsi que l'istiwa, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est établi sur son trône. Et donc, ainsi que l'khalq wa risk, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala crée et qui donne aussi la subsistance. Et l'oula, bien sûr, donc c'est aussi un wasf. C'est aussi un wasf. Donc c'est une caractéristique qui est dans le Coran. Qui est dans le Coran. Puisque Allah dit Walillah al-mathal al-a'la. Walillah al-mathal al-a'la. Certes, Allah, c'est lui qui a justement le meilleur exemple. Qui a l'exemple le plus haut. Le plus haut. Donc il sera le plus haut, il sera le plus noble et il sera bien sûr le meilleur exemple. Et il dit aussi dans d'autres versets Wallahu al-mathalu al-a'la, Wallahu al-mathalu al-a'la. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit au niveau de l'aya Wallahu al-mathalu al-a'la, Al-Qurtubi dit rahmahullah ay al-wasf al-a'la, ay al-wasf al-a'la. Et Ibn Kathir dit rahmahullah Wallahu al-mathalu al-a'la ay al-kamal al-mutlaq. Min kulli wajh al-kamal al-mutlaq min kulli wajh, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala donc est complet de toutes parts, dans de toutes parts. Ibn Sa'di dit rahimahullah huwa kullu sifatin kamalin, hein, donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire tout attribut qui est complet, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Toute chose qui sera tout attribut complet, c'est lui, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu kamalin yani fil wujuh fa Allah haqqu bihi min ghayrihi. Donc tout ce qui sera complet dans l'existence, Allah bien sûr est plus méritoire que d'autres, qu'autre que lui dans cela. Min ghayri an yastalzima dhalika naqsan bi wajhihi. Sauf que bien sûr cela amènerait obligatoirement à un manquement de sa part subhanahu wa ta'ala. Et on profite de cela qu'il est obligatoire pour chaque musulman le micro il est là. Là ça part, ça marche. T'as été boulsé pour que tu reviennes. Ouais. Enfin 2 secondes, je t'ai vite fait. Je vais l'aider 2 secondes. Non, ça c'est annulé. Il y a toujours le frère, il y a toujours la... Je crois que c'était pas important ce qui vient après. On va revenir. Sur la connexion. Attends, donc écris-lui invite-moi, comme ça il t'invite. Donc je vais quand même continuer. Donc bien sûr, donc il faut, vis-à-vis de cela, d'avoir la ferme conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala bien sûr a mentionné comme quoi ses attributs sont les plus complets. Donc il faut croire fermement que tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a annoncé dans son livre ou dans la bouche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis des attributs que l'on doit bien sûr croire à tout cela. On doit croire à tout cela. Ouais, il refait le reprend, il est là par contre. Reprends-le. Des fois, il faut éteindre complètement et reprendre. Attention, il y a un virus sur votre ordinateur. Donc il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah vis-à-vis de cela, al-mathal al-a'la yatadammanu thubut as-sifat al-'ulya lillah subhanahu wa wujudaha al-'ulma. Afwan, wujudaha al-'ilmi wal-khabar 'anha wa dhikra wa 'ibadat rabbi subhanahu wa ta'ala. Donc le mathal al-a'la comprend le fait d'affirmer les attributs les plus hauts, ainsi que, c'est-à-dire le wujuduha al-ilmi, c'est le fait comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala donc possède aussi, donc cela existe même vis-à-vis de la science, et que l'on doit croire aussi de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a annoncé, et on doit se rappeler de cela, et c'est aussi bien sûr une adoration vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là on va voir. Il faut savoir que les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont mentionnés dans le Saint-Coran ou dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on doit bien sûr, comme on l'a vu auparavant, il faut y croire fermement. Et on doit aussi bien sûr s'arrêter à cela, c'est-à-dire s'arrêter au Coran et à la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas inventer un nom ou un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala là où il n'y a pas de texte authentique, là il n'y a pas de base vis-à-vis de cela. Donc on va bien sûr appeler Allah subhanahu wa ta'ala, donc on va mentionner les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala comme il s'est mentionné lui-même et comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a aussi bien sûr mentionné. Si maintenant une personne venait à dire comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala entend sans oreille, et qu'une autre personne viendrait à dire Allah entend et il a des oreilles, on dira que tous les deux se sont trompés. On répondra que tous les deux se sont trompés. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas donc mentionné, justement, al-udhunayn n'a pas mentionné les oreilles. Donc on va mentionner, c'est-à-dire l'ouïe d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans mentionner les oreilles. Car Allah subhanahu wa ta'ala ne les a pas mentionnées. Donc on s'arrête là où Allah s'est arrêté. On démarre. Et on s'arrête là où Allah a démarré, là où Allah s'est arrêté. Si cela n'est pas mentionné, s'il n'y a pas de preuve, lorsqu'on veut mentionner quelque chose qui, donc, par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, par rapport aux attributs, au nom et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là, bien sûr, on commet un péché. On va commettre un péché qui sera parmi les pires des péchés, c'est-à-dire parce qu'on va parler sur Allah, on va parler d'Allah alors qu'on n'a aucune science de cela, alors que l'on a aucune science de cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala, donc on va lui répondre que cela est une erreur et qu'il n'y a pas de texte qui ne prouve, qui vont ni affirmer et ni renier ses oreilles. Donc on va dire que Allah subhanahu wa ta'ala entend et son ouïe lui sied à lui subhanahu wa ta'ala, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il dit subhanahu wa ta'ala, « وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولَ. » Donc il dit, subhanahu wa ta'ala, « Et ne poursuis pas ce dont tu n'as pas de science. Certes, l'ouïe, la vue et le cœur, tout cela seront questionnés. » Ces trois membres, les membres les plus importants du corps, qui sont l'ouïe, la vue et le cœur, parce qu'à partir de là, on réfléchit, à partir de là, on raisonne. Ce sont les membres qui vont faire de toi celui qui va faire la différence entre le vrai et le faux. Donc, use-les avec, justement, utilise ces membres avec, bien sûr, ce qui t'a été ordonné d'utiliser, c'est-à-dire les textes du Coran et de la Sunna. Et kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ceux-là seront questionnés. Ceux-là seront, bien sûr, questionnés. Et il y a aussi, bien sûr, le cœur, car le cœur, c'est l'origine, justement, de cela. Parce que les gens parle impunément sur Allah subhanahu wa ta'ala, c'est parce qu'ils ont un problème déjà dans l'origine de leur cœur. Ils ont un problème dans leur cœur. C'est pour ça qu'ils inventent sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit l'imam Ahmed, rahmallah, « La yusafullah illa bima wasafa bihi nafsahu ou wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam, la yatajawazu al-Qur'an wa sunnah. » Donc il dit l'imam Ahmed, rahmallah, c'est-à-dire on n'attribue pas à Allah que ce qu'il s'est attribué à lui-même ou ce que son envoyé sallallahu alayhi wa sallam lui a attribué, et on ne dépasse pas le Coran et la Sunna. Ibn Abd al-Barr dit rahmallah, donc il n'y a pas dans le dogme, dans tout le dogme, donc dans le dogme de la croyance, parmi dans la croyance des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce qui sera rapporté, ce qui sera bien sûr donc dans les textes du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou ce qui aura été véridique, considéré donc comme véridique de la part de l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien ce sera un consensus de la communauté, car l'ijma, bien sûr l'ijma, c'est ce qu'il y a de plus fort. L'ijma, il va être plus fort que le Coran en lui seul, ou que la Sunna seule, dans le sens où l'ijma, c'est un consensus des savants qui ont eux-mêmes se sont inspirés du Coran et de la Sunna et ont statué cela. C'est pour ça que l'ijma, on dit que c'est le plus fort, que c'est le texte le plus sûr. Parce que toi, si tu lis le Coran, tu peux te tromper, tu peux avoir une mauvaise compréhension. Ou si tu prends un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'il est authentique, tu peux aussi avoir une mauvaise compréhension. Mais lorsqu'il y a l'ijma, tu sais que ça c'est halal ou ça c'est haram, ça c'est permis ou ça c'est pas permis ou autre, en ce moment-là, qu'il y a ijma dessus, tu ne vas pas te tromper parce que tu as le statut de cela. Mais tandis que si tu lis un récit prophétique ou un verset du Coran, tu peux te tromper en croyant que cela veut dire cela, et en vérité, cela veut dire autre chose. C'est pour ça qu'on dit que l'ijma, c'est donc la chose la plus forte. Aussi, donc la foi, il faut avoir bien sûr la foi en ses sens et en ses statuts. On est toujours par rapport au sifat. Donc là, on est toujours par rapport à la dénomination, à la description de Tawhid al-Asma wa Sifat. Donc on est toujours avec notre préface. C'est-à-dire que cette foi, cette croyance va comporter et va comprendre des sens qui vont bien sûr donc nous amener à mettre en œuvre des applications. Il y aura des ahkam. On va retrouver dans des ahkam, donc des règles religieuses vis-à-vis de cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous donne déjà, مثلا, par rapport à certains ahkam, lorsqu'il dit وَلِلَّهِ الْأَسْمَى الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. Certes, à Allah appartient les noms les plus parfaits. Invoquez-le donc avec ces noms, par rapport à cela. Donc, فَدْعُوهُ بِهَا. Invoquez-le. Donc là, on a déjà un hukm shar'i. On a une règle religieuse. Comment invoquer Allah? On lève les mains ou quoi que ce soit, ou dans notre sujoud, ou lorsqu'on est fait Arafat ou autre, lorsqu'on va demander à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire dans toutes les situations, dans toutes les situations, on va bien sûr invoquer Allah en mentionnant ses noms et en mentionnant ses noms. Et parmi aussi les bénéfices de connaître bien sûr les noms et l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, certes, Allah possède 79 noms, ou à 99 noms, donc 100 moins une, celui qui les englobe entrera au paradis. Hadith rapporté par Al-Bukhari Muslim. Men ahsaha, celui qui les yahfaduha, celui qui les apprend par cœur, celui qui comprend ses sens, et celui qui met en application ces noms, et donc ces noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cela ne veut pas dire qu'Allah n'a que 99 noms. Allah a d'autres noms. Donc, Cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah, lorsqu'il donne l'exemple de cela, il dit bien, c'est comme si tu disais, j'ai 100 euros à donner en aumône. J'ai 100 dinars, ou la 100 dirhams, ou la 100 rial à donner en aumône. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'autres d'argent. Allah dit que celui qui va apprendre, et qui va mettre en application, qui va apprendre par cœur et qui va mettre en application, qui va comprendre ses noms, entrera au paradis. Ça ne veut pas dire qu'Allah ne possède pas d'autres noms. Et Allah subhanahu wa ta'ala, déjà dans la vie d'ici-bas, les ulama ont bien sûr retrouvé, lorsqu'ils ont regroupé les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont, à la khilaf, ils les ont bien sûr dépassés. Et pourtant, Allah en a d'autres et on les reverra. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le jour dernier, bien sûr, va les mentionner alors qu'il ne les mentionnait pas dans cette vie ici-bas. Quels sont les liens entre Tawhid al-Asma wa Sifat et les autres parties de l'unicité. Car l'unicité, bien sûr, est divisée en trois. Tawhid al-Rububiyya, Tawhid al-Uluhiyya ou Tawhid al-Asma wa Sifat. Et quels sont les liens entre cette partie du Tawhid et les autres parties? Donc avant de bien sûr d'entrer dans la halakha ou bien dans les relations entre ceux-là, c'est que bien sûr, donc, comme on a dit auparavant, que Tawhid est divisé en trois chez les ulama, même si on retrouve chez les muta'akhirin, chez Ba'd al-Muta'akhirin, chez certains savants, c'est-à-dire de ceux qui sont proches de nous actuellement vis-à-vis, c'est-à-dire de, donc, du Waqt, ou bien c'est-à-dire des gens de cette époque ou autre, donc ont rajouté vis-à-vis du Tawhid, donc ils ont rajouté un quatrième qism, une quatrième partie. Et ils l'ont appelé Tawhid al-Ittiba ou bien Tawhid al-Hakimiyya. Donc Tawhid al-Ittiba, hein, qui veut dire, c'est-à-dire le fait, c'est-à-dire que lorsqu'il dit ça, ils veulent dire par là, comme quoi que tu dois revenir au livre d'Allah et à la Sunna. Au livre d'Allah et à la Sunna. Et on ne parle pas de, donc ils disent Tawhid al-Ittiba ou bien Tawhid al-Hakimiyya. C'est-à-dire al-Tahakum ila al-Kitab wa Sunna. Et bien sûr, on va en vérité pouvoir leur répondre que cela bien sûr est faux lorsqu'on parle de Tawhid al-Hakimiyya, parce que en vérité lorsque tu parles de l'Hakimiyya, Hakimiyya c'est quoi? C'est Juz'un, donc c'est une partie min ajza Tawhid al-Uluhiyya. Donc tu ne peux pas prendre une partie de parmi les parties de Tawhid al-Uluhiyya et tu le rentres dans et tu en fais un Tawhid qui est complet, parce que tu as décidé de ne parler que de ça dans ta vie. Tu as décidé de t'en prendre, comme le font Al-Khawarij, c'est-à-dire quoi, au Hukam il Akhirihi. Et de là, ils disent Tawhid al-Hakimiyya. Alors, en vérité, Tawhid al-Hakimiyya fait partie de Tawhid al-Uluhiyya. Dans ces cas-là, si c'était permis, ben, les gens qui ont envie de ne parler que de la miséricorde d'Allah, donc ils vont dire Tawhid al-Rahma. Et autres, on va commencer à prendre tout type d'unicité selon ce qu'on a envie, et puis on va commence à dire Tawhid ceci, Tawhid cela. On va inventer, on va dire les ulama ils ont oublié ça. Mais c'est pas vrai. Mais à l'origine, c'est pas vrai. Les ulama, bien sûr, ont été unanimes par rapport aux trois que l'on avait auparavant. Et on ne peut pas accepter cela. Donc on ne va pas venir inventer. Donc le Hakimiyya entre dans la dénomination de Tawhid al-Uluhiyya. Et Tawhid al-Uluhiyya, on sait bien que il faut pour cela, bien sûr, donc al-Ikhlas et al-Ittiba. Donc on ne peut pas l'appeler al-Ittiba comme ils le font croire eux, ou bien al-Hakimiyya. Parce que le Khawarij, ils disent aussi, ils disent pas que Al-Hakimiyya, ils disent aussi Al-Ittiba. Ils utilisent aussi ce mot-là, Al-Ittiba, afin que cela passe mieux, afin que justement de mieux donner, hein, lorsque, c'est-à-dire de mieux donner le venin, de mieux rentrer le venin dans le sang des personnes. Donc ils vont dire Tawhid Al-Ittiba, en faisant croire qu'ils vont suivre, c'est-à-dire que c'est le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce que les autres ne font pas, ils vont commencer à inventer, parce qu'ils ont vu que Al-Hakimiyya, les gens ils commencent justement à ressentir que ça va pas, parce qu'on parle que des gouverneurs et l'akhiri, donc ils viennent par des moyens détournés, mais pour eux c'est la même chose. Bien sûr, donc certains savants aussi ont aussi vis-à-vis du Tawhid, donc ils ont aussi bien sûr, ça se séparait en deux. Donc ils ont aussi dit, ils ont mentionné qu'il y a donc deux parties de Tawhid. Tawhid, donc, ce qu'ils appellent Tawhid, la première partie c'est Tawhid, al-Ma'rifa wal-Ithbat. C'est-à-dire qu'ils veulent dire al-Ma'rifa wal-Ithbat, c'est-à-dire ce que tu vas connaître, wal-Ithbat, ce que tu pourras affirmer à partir du Coran et de la Sunna. Lorsqu'il dit le Ma'rifa, c'est-à-dire le fait de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, et tu vas affirmer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on revient à quoi? On revient à Rububiyya et Al-Asma wa Sifat. Il y a les ulama, et vous pouvez retrouver ça, hatta chez Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahmahullah. Il écrit, Ibn Taymiyyah aussi parle de ça. Donc si vous voyez Tawhid, Al-Ma'rifa wa Al-Ithbat, vous savez qu'ils ont voulu dire par cela Tawhid, donc Rububiyya et Al-Asma wa Sifat. Et Asma wa Sifat. Et lorsque vous voyez dans la deuxième partie, donc Tawhid al-Qasd wa al-Talab, Tawhid al-Qasd wa al-Talab, c'est-à-dire al-Uluhiyya, c'est-à-dire Tawhid al-Uluhiyya. Car tu vas faire quoi? Tu vas demander, tu vas rechercher à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, lorsque tu aimes, lorsque tu fais donc une œuvre pieuse, ça c'est un talab. Ça c'est justement, donc ça c'est un talab, c'est un qasd. Et tu as l'attention et ça aussi c'est un talab. Donc c'est pour ça que ça, ça rentre dans la dénomination de Tawhid al-Uluhiyya. De Tawhid aussi al-Uluhiyya. Et on retrouve encore d'autres dénominations. Et on retrouve encore d'autres dénominations. Et on va les citer bien sûr. Certains donc ont appelé l'unicité aussi, donc ils ont aussi donné d'autres noms, donc deux noms pour l'unicité. Et le premier nom c'est Tawhid al-Ilmi al-Khabari. Tawhid al-Ilmi al-Khabari. Donc l'unicité de la science et de l'annonce. Et cela, c'est-à-dire bien sûr quoi? Al-Ilmi al-Khabari. Donc lorsqu'on entend al-Ilmi, donc c'est une science. C'est quoi? Al-Khabari, donc la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est une science. Et al-Khabari, ce que Allah subhanahu wa ta'ala s'est annoncé pour lui-même. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala s'est annoncé pour lui-même. Donc en ce moment-là, al-Khabar, c'est quoi al-Khabar? C'est le Coran et la Sunna authentique. C'est le Coran et la Sunna authentique. Et le deuxième qism, la deuxième partie, c'est Tawhid al-Iradi al-Talabi. Al-Iradi al-Talabi. Al-Irada, donc al-Qasd, ça ressemble, c'est un synonyme à ce qu'on a vu auparavant. C'est-à-dire, bien sûr, Tawhid al-Uluhiyya. Tawhid al-Uluhiyya. Ça a été appelé comme cela car la personne, bien sûr, il veut, donc il veut adorer. Il va adorer, il espère. Donc il a une irada dans son adoration. Il a une irada, il a une volonté de vouloir, bien sûr, une demande, une volonté lorsqu'il veut adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il demande aussi de cela. Il demande. Et aussi les ulama ont aussi bien sûr mentionné cela. Ont donné aussi d'autres dénominations. Et parmi celles-ci, c'est Tawhid. Donc, Al-Qawli et Tawhid Al-Amali. Tawhid Al-Qawli et Tawhid Al-Amali. Donc, ils l'ont appelé Al-Qawli, donc de la parole. Lui, c'est de la parole. Qui est, encore une fois, Rububiya et Esma wa Sifat. On remarquera que, quoi qu'il en soit, on retrouve toujours Rububiya et Esma wa Sifat ensemble. Et Al-Uluhiya, hein, à part, seul. On retrouve tout le temps les deux ensemble. Donc là encore une fois, on retrouve Rububiya et l'Asma wa Sifat. Donc c'est appelé Qawli. Donc, hein, parce que justement, c'est justement donc ce qu'on appelle Yushakilu Yani le Janib al-Ilmi. C'est par rapport au ilm. Donc c'est Qawli, c'est par rapport justement à la science. C'est le fait que tu vas connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qu'ils appellent Al-Amali, donc c'est l'amal, l'uluhiyya, tawhid al-amali, tawhid al-uluhiyya. Il a appelé amali, car bien sûr, en ce moment-là, il va comprendre et comporter les actions, tout type d'actes et tout type d'action. Qui l'acte qui provient du cœur, celui qui provient de la bouche, c'est-à-dire celui qui va être prononcé et celui qui va être émis par nos membres, Et certains savants l'ont aussi appelé Tawhid al-Siyada. Tawhid al-Siyada. Lorsqu'on parle toujours de Rububiya et Asma wa Sifat. Tawhid al-Siyada. Ils l'ont appelé comme ça car ils unifient Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms, ses attributs et ses actes. Ses noms, ses attributs et ses actes. Donc bien sûr, tout cela va automatiquement amener à la personne de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est Sayyid al-Muta'a. C'est lui qui va être, bien sûr, Sayyid al-Muta'a, celui qui va être obéi, qui va être le chef et qui est celui qui va être automatiquement obéi. Et que c'est lui qui gère tout de la façon la plus complète. Lorsqu'il donne, lorsqu'il enlève, il a khélihi. Et le deuxième qism, la deuxième partie, c'est Tawhid al-Ibada. Et cela, bien sûr, est connu. On peut l'appeler Tawhid al-Uluhiyya. C'est connu qu'on l'appelle aussi Tawhid al-Ibada. Tawhid al-Ibada. Car on va adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et les relations. Et aussi, on retrouve des fois aussi, chez certains savants, Shir l'a pas mentionné, mais on peut retrouver aussi ce qu'ils appellent al-Ilahiyyat. Ce qu'ils appellent al-Ilahiyyat ou bien al-Nubuwwat. Al-Ilahiyyat, Shir Islam al-Timiyya, il le mentionne dans ses livres. Lorsqu'il mentionne l'ilahiyat, donc il veut encore une fois aussi, donc bien sûr, vouloir dire par cela, il veut dire Tawhid al-Rububiya et Tawhid al-Asma wa Sifat. Lorsqu'il dit al-Nubuat, il veut dire Tawhid al-Ibada. Il veut dire par cela Tawhid al-Ibada. Donc lorsque vous entendez al-Ilahiyat, vous savez qu'on parle de Tawhid al-Rububiya et al-Asma wa Sifat. Et lorsqu'on mentionne Tawhid al-Nubuat, on mentionne justement, donc, c'est-à-dire Tawhid al-Ibada. Et la relation entre les trois, c'est que bien sûr, l'un ne sera jamais complet sans l'autre. Les trois vont de pair, hein, vont de trio, c'est comme ça qu'on dit. Vont de trio. Donc les trois vont de trio. Donc les trois sont unis ensemble. Hein, ils sont unis ensemble, ils seront complets que istilzem. Donc l'un amène à l'autre. L'un va amener à l'autre. L'un est même le tremplin de l'autre. L'un va amener à l'autre. Donc, on sait que Tawhid al-Rububiya va t'amener à l'Uluhiya. Mais Tawhid al-Uluhiya ne sera pas complet, ne pourra pas être complet, ne pourra pas justement avoir ce fruit de la foi qui sera complète que par le fait de passer par les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car plus tu connaîtras Allah, plus tu vas l'adorer de la meilleure façon. Donc, on voit qu'il y a istilzam. Il y a bien sûr des relations qui sont obligatoires les unes envers les autres. Ces relations, elles sont obligatoires. Et tu ne pourras pas te passer de l'un sans l'autre. Tu ne pourras pas te dire, moi je me passe de Tawhid al-Rububiya. C'est pas possible. Ou bien de Tawhid al-Asma wa Sifat mathalan. Je m'occupe que de Tawhid al-Ibada. Tu ne pourras pas. Parce que tu n'auras pas, bien sûr, une adoration qui sera parfaite et complète. Voire même, elle ne sera peut-être, même si elles sont de trois, elles sont indissociables. Naam. Barakallahu fikum. Elles sont indissociables. Et les trois vont de pair, on peut le dire. Barakallahu fikum kazalik. Donc, l'un ne sera pas profitable, ne sera pas bien sûr sans l'autre. L'un ne sera pas profitable sans l'autre. Donc Tawhid al-Rububiya mustalzim. Donc va amener, donc obligatoirement bien sûr Tawhid al-Uluhiya. Et Tawhid al-Uluhiya aussi mutadamminun li Tawhid al-Rububiya. Tawhid al-Uluhiya donc va, donc comprend. Donc ou bien comprend justement Tawhid al-Rububiya parce que c'est le tremplin pour arriver à l'Uluhiya. Et Tawhid al-Asma wa Sifat shamilul li-naw'ain ma'an. Tawhid al-Asma wa Sifat va englober les deux types d'unicité qu'on a vu auparavant qui sont Rububiya et al-Uluhiya. Al-Uluhiya. Donc on voit qu'il y a justement une relation qui est indissociable, hein, comme le disent les frères. Donc c'est indissociable entre eux. C'est indissociable. Et Allah dit vis-à-vis de cela, Ya ayyuhan nas, ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha was-samaa'a binaa'a fa'anzala min as-samaa'i ma'an fa'akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ô gens, adorez votre Seigneur ou votre Seigneur, votre souverain. Hein? Car des frères ont remarqué, barakallahu fihim, que le mot souverain est plus approprié que le mot Seigneur. Donc, ô gens, adorez votre souverain, celui qui vous a créé, ainsi que ceux qui ont été avant vous, espérant que vous craindrez. Et c'est lui qui a fait de vous, donc, pour vous, qui a placé pour vous la terre comme tapis, et il a aussi bâti les cieux, et a descendu des cieux de l'eau, et il a descendu toutes sortes de fruits, hein, comme subsistance pour vous. Alors, ne donnez pas à Allah d'associer, alors que vous savez. Donc, c'est pour montrer que ici, on va retrouver, donc, justement, Tawhid al-Rububiya, et qui appelle à Tawhid al-Rububiya, qui va appeler, donc, ce sera une dawa à Tawhid al-Rububiya. C'est-à-dire que, adorez votre Seigneur. À ce moment-là, on entre dans le domaine de la souveraineté. Hein, celui qui a, donc on est toujours dans le domaine de la souveraineté, et le résultat c'est, et ne donnez pas à Allah d'associer dans votre adoration, alors que vous savez que c'est lui votre créateur, c'est votre souverain, c'est votre créateur, c'est lui qui subvient, qui vous donne la subsistance, donc ne lui donnez pas d'associé dans votre adoration. Il y a un lien entre ces deux types de tawhid unicité. Tawhid unicité. Et on va terminer par une faïda. Donc on va terminer par une faïda. C'est que le Coran, bien sûr, kulluhu tawhid. Donc tout le Coran complet est un appel à l'unicité. Est un appel à l'unicité. Donc Ibn al-Qayyim rahimahullah dit, chaque sourate du Coran comprend l'unicité. Voire même, donc c'est donc d'une parole complète de l'unicité. Car chaque verset dans le Coran comprend l'unicité et sera témoin de cette unicité et appelle à l'unicité. Car le Coran, il est soit une annonce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ses noms, ses attributs et ses actes. Donc ça c'est Tawhid al-ilmi al-khabari, comme on l'a dit auparavant. Donc on voit qu'Ibn al-Qayyim rahimahullah utilise ces mots-là. Ou bien une annonce, ou bien un appel à son adoration, seul, sans l'associer, et le fait aussi de se détacher et délaisser totalement ce qui est adoré en dehors de lui, et cela est appelé Tawhid al-Iradi al-Talabi. Ou bien, c'est un ordre, ou une interdiction, ou une obligation à l'adorer, c'est-à-dire on va retrouver, donc justement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala oblige donc son adoration, que ce soit dans le fait d'interdire ou dans le fait d'ordonner, et tout cela font partie des droits réels de l'unicité et des droits qui vont compléter cette unicité. Quatrièmement, c'est aussi une annonce de la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les gens de l'unicité, les gens du monothéisme, les gens du non-monothéisme, ainsi que les gens de l'obéissance, ceux qui obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, car et aussi Allah subhanahu wa ta'ala annonce qu'est-ce qu'il fait d'eux dans la vie d'ici-bas et comment il va les récompenser dans l'au-delà, et cela bien sûr est la récompense du tawhid, cela est la récompense de l'unicité, et c'est aussi une annonce pour les gens du polythéisme, pour les gens du polythéisme par rapport à ce qu'ils ont fait et comment ils ont péri dans la vie d'ici-bas et les châtiments qu'ils ont eus, et aussi une annonce de ce qui va leur arriver, bien sûr, de ce qui va arriver à ceux qui sortent du tawhid, à ceux qui sortent de l'unicité. Donc le Coran est un appel à l'unicité complètement. On y retrouve ses droits et on y retrouve aussi ses récompenses. Donc voici, et aussi on retrouve aussi donc la voix de ceux qui auront associés en Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que leur récompense. On retrouve cette parole bien sûr dans Madarij al-Salikin d'Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi. Donc j'ai terminé pour ce cours d'aujourd'hui. Barakallahu fikum. Subhanakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Le prochain cours sera à 21h après le Maghreb, qui est, parce que c'est pas pareil dans la France, 21h20, c'est terminé. Donc on va dire que